Bonsoir et re-bienvenue à Amandla. Il est présentement 19h32 dans nos studios. Nous avons présentement en ligne Aziz Fall du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique qui va nous entretenir sur la situation au Kenya, une perspective régionale. Bonsoir Aziz. Bonsoir Moussa. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Ça fait longtemps, il fallait que ce soit au micro. Voilà. Alors allons-y, qu'est-ce qui se passe au Kenya en fait concernant... Je vais abonder dans le sens de l'analyse que Gwen a donnée, ainsi que celle de Farid, que j'ai eu la chance d'écouter. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, dans cette situation absolument sinistre, unique dans l'histoire de l'humanité, connue au niveau d'un système universitaire, une hécatombe auquel répond par un silence assourdissant l'opinion publique mondiale. On peut se poser la question de la valeur de la mort africaine, la valeur de ce qu'est un jeune Africain au XXIe siècle, où sont passés les Charlies, comme on posait la question. Aujourd'hui, dans le bâtiment Elgon A de la nouvelle université de Garissa, où l'essentiel des étudiants sont tombés, le sang achève de sécher, une odeur pestilentielle flotte sur des milliers d'objets épars qui sont abandonnés par les victimes, les fuyards qui se déchirent sur les barbelés, qui ceinturent le campus, des morceaux de chair, des lambeaux de cheveux. L'horreur. Mais derrière tout cela, il faut comprendre ce qui se passe non seulement au niveau local, c'est-à-dire en Somalie et au Kenya, mais il faut comprendre ce qui se passe de façon régionale, c'est-à-dire le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée, mais de façon plus globale, ce qui se passe au niveau de l'Union africaine avec l'AMISOM et bien sûr l'AFRICOM, la force américaine et les drones. Alors, ce que je veux dire très rapidement, c'est qu'il s'agit d'une guerre, une guerre qui ne dit pas son nom, et j'aimerais éclairer, si c'est possible, j'ai eu la chance d'en parler très brièvement hier sur un plateau télé, mais là j'ai un peu plus de latitude entre camarades, de préciser la pensée, d'expliquer en fait, si c'est possible, la nature du phénomène. D'abord de comprendre c'est quoi ce mouvement des Chebabs, qu'est-ce qui motive depuis la chute de Siad Barre en 1991, la spirale implosive de la Somalie. Il ne faut pas oublier que l'opération Restore Hope de 92-95 des Nations Unies sous la tutelle des Américains a viré au chaos. Les Américains ont perdu devant Farah Aidid, il s'enfuit en 1994. Farah Aidid lui-même est assassiné peu de temps après, je pense en 96. Et là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de géopolitique. En termes de géopolitique, les clans divers, la zizanie s'installe, mais les tribunaux islamiques qui s'installent ne sont pas que simplement des mouvements terroristes. Je vais y revenir. Il s'agit d'un mode de gouvernance de type salafiste, soutenu principalement par des intérêts saoudiens, parfois qataris, et certains éléments aux États-Unis eux-mêmes. C'est ce qui donne tout le paradoxe de comment est alimentée la nébuleuse terroriste. Et je crois que sans tomber dans la théorie du complot, il faut non seulement poser les commanditaires de l'origine de ces mouvements pour comprendre ensuite comment ils vont pouvoir fonctionner sur leur propre base. Alors, les Chebabs, c'est tout simplement la jeunesse somalienne qui est une jeunesse sans perspective, sans horizon, qui vit dans une pauvreté pratiquement absolue, qui a vu les bancs de poissons complètement assiégés et pillés par les flottes étrangères et qui vont basculer dans des sortes de milices des tribunaux islamiques. Les tribunaux islamiques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des mouvements salafistes extrêmement rigoureux contre la corruption qui s'emparent du pouvoir à Mogadiscio et qui, évidemment, effraient en même temps qu'ils rassurent. Ils sont extrêmement structurés et combattus très rapidement par les Éthiopiens ainsi que les Américains dès qu'il y a le changement dans l'administration Bush. Forces américaines frappent avec des drones. C'est ainsi qu'ils tuent en 2008 Hashi Bako, qui est le fondateur du mouvement. Il est remplacé par Ahmed Abdi Godane, qui lui aussi est tué par une frappe américaine. Et ce dernier est remplacé de nouveau par Abu Abaïda, qui dirige apparemment le mouvement. C'est un mouvement assez surprenant parce que, d'abord, il est extrêmement discipliné, moins corrompu que les autres mouvements claniques qui sont là, puisqu'enfin, c'est une base confessionnelle qui les unit. C'est un mouvement qui a ciblé non seulement les intérêts américains, mais aussi les intérêts de l'État somalien fragile qui est soutenu par la communauté internationale et surtout les pays africains sous la tutelle de l'Organisation de l'Unité africaine et qui va, elle, va permettre en fait une sorte de somalisation, d'essayer de reprendre pied sur le pays. Et donc, on va voir une attaque de plus en plus ciblée pour faire partir de Mogadiscio, puis plus tard de Kismayo. Et cette organisation, qui est les Chebab, qui est très disciplinée, structurée, obscurantiste dans son mode de pensée salafiste, mais moderne dans sa connaissance de technique, va commencer par elle-même expurger au sein de ses propres les leaders qu'elle considère gênants. Par exemple, elle va assassiner Al-Qaïda Jami Ahmed, Kamel Afghani, Hashi Oleyahi, qui ont été exécutés par leur propre organisation, qui est divisée sur des lignes claniques et idéologiques. Juste avant-hier, le porte-parole Cheikh Ali Raga, qui a soutenu qu'il fallait tuer tous ceux qui sont contre les Chebab, a vu sa tête mise à prix par son propre clan qui l'accuse de massacre de masse. Bref, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit d'une organisation qui va petit à petit perdre du terrain, d'abord par le fait que la stratégie américaine va utiliser l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie attaque dès 2006 et inflige des pertes incroyables au mouvement, les repousse en dehors de Mogadiscio et de Kismayo. Et effectivement, pourquoi l'Éthiopie elle-même n'est pas attaquée? L'Éthiopie est un pays qui a une armée extrêmement forte, décentralisée jusqu'au moindre petit recoin des hameaux. Alors, donc, dans ce cas, c'est plutôt le Kenya qui trinque. Alors là, il faut comprendre ce qui se passe au niveau du Kenya. Au niveau du Kenya, il y a d'abord un contentieux historique ancien sur des zones qui appartiennent à Somalie, qui sont des zones qui sont au Kenya aujourd'hui, qui ont été rétrocédées depuis la fin de la guerre en 1925. Londres a offert à la Somalie italienne pour la remercier de s'être engagée dans cette zone de guerre dans le premier conflit mondial. Et donc cette zone du Jubaland, qui est la zone où donc existe encore aujourd'hui, de part et d'autre de la frontière, des populations somalies. Les uns se considèrent kenyans, les autres se considèrent somalies. Et justement, ces populations somalies qui sont marginalisées, délaissées par les gouvernements de plus en plus Kikuyu qui dirigent Nairobi, sont un terrain fertile pour tomber dans le rang de ceux qui considèrent que le Kenya ne doit rien avoir dans cette guerre en Somalie. Et effectivement, le Kenya, extrêmement prudent, qui est un pays, il faut le rappeler, où les premiers liens entre l'administration américaine et Al-Qaïda se sont faits, c'est au Kenya qu'il y a les premiers attentats, notamment celui contre l'ambassade américaine, eh bien le Kenya a toujours eu une politique de renseignement, mais pas d'intervention. Et à partir de 2010, il commence à participer aux expéditions contre le Somalie pour chasser les tribunaux islamiques et les Chebab. Et alors à ce moment, la spirale commence et les cibles deviennent de plus en plus claires. Les cibles des Chebab, c'est d'abord le gouvernement somalien, ses officiers, les services de renseignement, des représentants de l'ONU, par exemple Youssef Ibari, le représentant somalien à l'ONU à Genève, a été assassiné par les Chebab. Et on a vu petit à petit se développer une mentalité du djihadiste martyr. Donc des gens qui ont des liens avec des groupes radicaux éthiopiens, des groupes somaliens en Ouganda, en Éthiopie, mais beaucoup dans les pays du Golfe. Et les Kenyans se sont donc retrouvés tout d'un coup dans la ligne de mire, puisqu'ils vont venir renforcer les Éthiopiens, les Ougandais. Il y a à peu près 4000 soldats kenyans dans la force de la MISOM, principalement constituée d'Éthiopiens, d'Ougandais, de Burundais, et de Kenyans, et quelques Djiboutiens, quelques Sierra Leonais. Et donc cette force est considérée comme une force d'occupation par les Chebab qui se font évincer et qui voient tout leur système s'effondrer. Donc, comme je l'explique, ce n'est pas un système tout simplement terroriste comme on l'explique, c'est un système extrêmement sophistiqué de redistribution sociale qui a besoin d'abord du Kenya, d'abord pour le trafic du sucre, du charbon, Et des îles proches de Kismayo, par exemple Kudai qui vient d'être pris par les forces de l'AMISOM et de l'armée régulière somalienne. Donc les Chebabs ont besoin du Kenya et des frontières et de ces marchés poreux pour leur trafic, pour l'afflux de recrues et même les petites îles comme celle de Mdoa, de Dagazi, etc. En même temps, plus il est affaibli, plus il se lie à Al-Qaïda. On ne sait pas exactement la nature profonde de ce lien, mais on peut dire que la nébuleuse salafiste de type Chebab, c'est une dynamique de clans idéologiques et régionales qui coexistent, se contrebalancent et qui vont de plus en plus, tout en développant le volet terroriste, développer aussi des services sociaux, disposent d'une fiscalité, ils ont levé des fiscalités par toutes sortes de réseaux routiers au niveau des États, en parrainant par des systèmes de raquettes des gens d'affaires, mais des systèmes aussi parfois très transparents, sur la base du Hawala par exemple, qui est ce modèle qui leur permet de transférer de l'argent avec la diaspora dans des réseaux internationaux, de faire le transfert du sucre, etc. Donc, depuis qu'ils ont perdu Mogadiscio, depuis qu'ils ont perdu Kismayo, depuis qu'ils sont repoussés, ils deviennent effectivement non seulement désespérés, mais de plus en plus cibles par des attentats terroristes les intérêts des pays voisins et principalement ceux du Kenya. Et c'est ainsi que donc on va voir le Kenya tomber très rapidement. Tout le monde a entendu parler de l'attentat du Westgate, mais ce n'est que l'un des aperçus de ce que ce mouvement est capable de faire. Alors ce qui est troublant, c'est comment au sein même du Kenya, dans la zone de Garissa, certains des gens qui ont perpétré viennent de là. Par exemple, Mohamed Kuno, qui est originaire de Garissa, a participé à ces tueries. De même, un jeune étudiant qu'on appelle Abdelahi, un jeune étudiant juriste aisé, qui lui ne vient pas des couches pauvres, a joint les Chebabs et a fait partie du peloton d'exécution, va être trimballé avec les quatre autres présumés coupables dans la ville, lapidé, etc. Ce qui va évidemment provoquer en Somalie une recrudescence aussi de la tension. Bref, ce qu'il faut voir, c'est que ce mouvement Chebab est infiltré par des combattants étrangers, mais il reste principalement et majoritairement somali, salafiste, avec l'idée de créer une sorte de khalifa qui s'étendrait sur toute la Somalie réunifiée, ainsi que ses franges, peut-être l'Ogaden, une partie du Sud-Soudan. Et c'est un mouvement qui a une base sociale. Il protège ses gens d'affaires, il leur verse en retour de l'argent. Et il faut le dire et l'admettre, ils sont populaires dans plusieurs franges de leur propre société. Et comme je l'expliquais, c'est la chose qu'on ne veut pas voir de l'autre côté. Le fait que d'un côté, ces gens vont cibler de plus en plus par des exactions à caractère religieux, mais parce qu'il y a aussi une tendance d'alimenter et d'instrumentaliser ces terrorismes pour pouvoir justifier le parrainage. Et c'est ainsi que l'Union africaine va devenir à la fois, dans son soutien de tutelle de l'armée somalienne, le bras armé d'une stratégie beaucoup plus globale. Le 12 avril qui vient, ce sera le 54e anniversaire de l'armée nationale somalienne. Et là, force est de se reconnaître que cette armée, même si elle a été consolidée, ne parvient pas à rompre avec le système qu'elle a en face. Des tribunaux islamiques qui ont disparu, et pourtant, on a toujours ces mouvements salafistes, certains de tendance Ad-Itissam, d'autres de tendance qu'on appelle Takfir wal-Hijra, qui sont bien implantés à Dinsor, à Bader, à Boualem, à Djanan, à Dilil. Ils sont peut-être 5000, ils vivent dans la zone du fleuve de Juba, vivent de transhumance, d'élevage, et c'est cette structure décentralisée qui fait qu'on ne peut que frapper certaines de leurs chefferies lorsque les services de renseignement occidentaux les retrouvent. Mais en fond, on voit bien que ce qui dérange le Kenya, c'est que à partir du moment où on s'en est pris aux touristes, à partir du moment où on s'en est pris à des gens des services de renseignement, notamment des Français qui ont été assassinés, là, le Kenya a été obligé de rentrer là-dedans. Et il faut bien sûr expliquer ce que Farid expliquait, qui était que la condition des Somalis qui vivent au Kenya est aussi tout à fait désastreuse. Ils sont marginalisés et donc sont un terrain fertile pour tomber dans cela. Je suis désolée, mais on doit couper parce qu'on attend notre prochain segment. Est-ce que tu peux juste peut-être brièvement terminer dans 30 secondes à peu près? Alors, très rapidement, c'est que le Kenya essaie une stratégie à l'israélienne, construire un mur de 700 km, s'agripper derrière le plan de l'Africom. Et je crois qu'il faut regarder ce qui se passe comme une véritable guerre avec, hélas, des débordements et une sale guerre qui, malheureusement, ne fait que commencer. Voilà. Bien, merci beaucoup Aziz, c'était très éclairant en passant. Et je crois qu'il faudra qu'on te donne encore du temps pour revenir sur cette analyse et surtout qu'il y aura des développements très certainement. Je crois qu'il faut prendre une petite pause. Alors merci encore Aziz. Et oui. c'est très apprécié, c'est toujours très intéressant. Alors, nous allons prendre une pause et nous reviendrons dans 30 secondes avec Jean-Marc qui va nous parler du Nigeria cette fois.